Le journal laotien Vientiane Times a fait paraître le 20 un article titré « Corée à nouveau au mouvement pour la grande marche » pour présenter de nouveaux prodiges et mérites en Corée dans la campagne de 200 jours pour la vitesse Malima.